Cinquième partie. Les principales vertus et les autres choses qu'un chrétien doit savoir. Chapitre 1. Les principales vertus. Première section. Les vertus théologales. Qu'est-ce que la vertu surnaturelle ? La vertu surnaturelle est une qualité que Dieu infuse dans l'âme et par laquelle on a de l'inclination, de la facilité et de la promptitude à connaître et à faire le bien par rapport à la vie éternelle. Combien y a-t-il de vertus surnaturelles principales ? Il y a 7 vertus surnaturelles principales, savoir 3 théologales et 4 cardinales. Quelles sont les vertus théologales ? Les vertus théologales sont la foi, l'espérance et la charité. Pourquoi la foi, l'espérance et la charité sont-elles appelées vertus théologales ? La foi, l'espérance et la charité sont appelées vertus théologales parce qu'elles ont Dieu pour objet immédiat et principal, et que c'est lui qui les met en nous. Comment les vertus théologales ont-elles Dieu pour objet immédiat ? Les vertus théologales ont Dieu pour objet immédiat parce que par la foi, nous croyons en Dieu et nous croyons tout ce qu'il a révélé. Par l'espérance, nous espérons posséder Dieu. Par la charité, nous aimons Dieu et en lui, nous nous aimons nous-mêmes et nous aimons le prochain. Quand est-ce que Dieu met en notre âme les vertus théologales ? Dieu, par sa bonté, répand en notre âme les vertus théologales quand il nous orne de la grâce sanctifiante. Ainsi, quand nous avons reçu le baptême, nous avons été enrichis de ces vertus en même temps que des dons du Saint-Esprit. Suffit-il pour être sauvé d'avoir reçu les vertus théologales par le baptême? Pour celui qui a l'usage de la raison, il ne suffit pas d'avoir reçu les vertus théologales par le baptême, mais il est nécessaire d'en faire souvent les actes. Quand sommes-nous obligés de faire les actes de foi, d'espérance et de charité? Nous sommes obligés de faire les actes de foi, d'espérance et de charité, premièrement, quand nous sommes arrivés à l'usage de la raison. Deuxièmement, souvent au cours de la vie. Troisièmement, quand nous sommes en danger de mort.